Éliminer les futurs que tu ne veux pas en sécrétant est sans doute une façon plus consciente de passer le temps. Mais assujetti à un faisceau de pauvreté ou maladie, comment implanter un choix d'intelligence dans la matière? Un faisceau de pauvreté... Tous les faisceaux sont... Ah, voilà, c'est ça, hein? Tous les faisceaux sont appelés à devenir libres. Pourquoi, à un moment donné, on pourra en reparler, mais il y a toute une structure, à partir de... toute une structure sur le point de vue de ce que c'est que la richesse ou la pauvreté qui devra totalement être changée. L'humain ne doit plus vouloir avoir de la matière ou de l'argent, il doit vouloir avoir de la liberté. Et tous les faisceaux sont appelés à être libres. Certains seront libres sans avoir beaucoup de choses matérielles, mais n'auront pas besoin. Et il y en a d'autres qui seront libres avec énormément de choses matérielles, ils en auront besoin. Ça leur servira. Et celui qui veut avoir quelque chose alors qu'il n'est pas libre et que son faisceau est une liberté sans truc matériel parce qu'il n'en aura pas besoin, sera toujours confiné à vivre une évolution égoïque dans la pauvreté. Et quand on parlait des faisceaux de pauvreté ou ces choses-là, j'avais pas fait la conférence de ce soir, il y a des choses que j'ignorais. Bon. Comment se fait-il que des futurs possibles qui ont d'abord été écrits, par exemple dans l'ancien compte où on voit le national être mis en vente et par la suite les Nordiques de Québec identifiés au national, arrivent s'il s'agit de futurs qui ont déjà été sécrétés par l'auteur? L'auteur les a pas sécrétés, l'auteur écrivait, lui, s'amusait. C'est tout, l'auteur, tout ce qu'il a fait l'auteur, c'est que... Et comme celui qui a écrit un roman sur le naufrage du Titan, quelques années avant le naufrage du Titanic, c'était parfaitement la même histoire, eh bien, les individus n'ont pas sécrété en écrivant. Tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été en communication avec le monde de la mort et ils ont transposé. Les artistes sont extrêmement sensibles et bien souvent, ils vont transposer des mécaniques, des mathématiques, donc des extrapolations de l'actuel présent dans leur roman. Comme d'ailleurs un auteur a exprimé énormément de choses, et c'est celui qui a écrit la série de Dune. On pourra en nommer plein. Alors, il n'a pas sécrété en écrivant, il a simplement écrit des choses, il trouvait que c'était bon, il trouvait que ça poignerait. Ça poigne, c'est la vie. Est-ce que lui n'a pas informé le monde de la mort, justement, de l'autre mécanique? Non, il n'a pas informé le monde de la mort. D'ailleurs, l'humain, la pensée de l'homme n'a aucune puissance. Alors, lui, il n'a pas rien informé. Il a simplement été un voyant, un médium, qui a exprimé dans la matière. Pourquoi ça lance les comptes, ça prend temps? Mais c'est pas compliqué. Oh, même si on parle des Nordiques dedans, finalement, etc., avec le national, etc., et on a tellement fait de choses qui auraient dû marcher, qui n'ont pas marché. Ça, c'est la réalité, puis les gens s'y sont préparés. Si deux personnes veulent la même chose et que les deux sécrètent et qu'elles ne l'ont pas, laquelle des deux aura la chose? Est-ce celle qui aura la plus sécrétée ou la plus intelligente des deux? Ça sera celle qui aura le plus sécrété, ou celle qui, de toute façon, était déjà rendue à l'avoir la chose, ou la plus intelligente des deux, qui, normalement, devra être celle qui aura le plus sécrété. Mais, comme j'expliquais, à un moment donné, il y aura un seul arbre, et celui qui voudra avoir l'arbre aura préséance sur l'autre, évidemment, parce qu'il aura commencé à travailler avant. Ça dépend de l'attraction, ça dépend de la densité atomique des corps physiques. Tout à l'heure, on parlait de l'évolution du corps physique. Alors, il va venir à un moment donné où il y aura une énergification. Une énergification du point de vue physique, c'est une augmentation du potentiel énergétique de la structure électronique autour de la structure nucléique, donc du noyau. Et l'être humain va conserver sa forme, il augmentera sa masse. C'est-à-dire que l'humain, l'homme nouveau, l'humain au fur et à mesure de son évolution, de sa conscientisation, de sa transition, de son énergification, va attirer de plus en plus la Terre à lui. Donc il va augmenter sa masse. Et de ce fait, il va attirer aussi de plus en plus les autres à lui. Et il va de plus en plus courber son espace-temps, influencer l'espace-temps des autres. Et nécessairement, c'est lui qui va gagner dans le phénomène des manipulations d'avenir. Jusqu'au jour où on aura un humain qui sera passé avant tout le monde. Qui sait? Oh, on ne sait pas. Et c'est celui-là qui va courber suffisamment en pointe en avant que les autres qui vont se conscientiser vont simplement trouver bien brillant de marcher derrière le bulldozer qui ouvre en avant le chemin dans la neige. Et il n'y aura pas d'intelligence stupide qui vont dire « Ah ben j'aurais aimé moi aussi d'ouvrir un chemin » puis qui vont embarquer dans le champ pour s'ouvrir un chemin, comme ça se passe en planète Terre présentement. On veut pas suivre quelqu'un qui passe en avant. On veut être en avant, nous autres, avec. Alors, celui qui, à un moment donné, va courber suffisamment le phénomène temporel et spatial, c'est celui-là que les autres vont suivre. Depuis quelques années, je visualise des futurs possibles. Exemple, je voyais ma mère mourir et je sécrétais, ou la séparation de mon conjoint. Est-ce que ces visualisations vont réussir, même si je n'avais pas ma conscience? Je vois l'intelligence de déménager, mais... Ah, ça, c'est une deuxième question. Bon, ça va réussir, c'est-à-dire que ce qu'on a sécrété, ce qu'on a visualisé, n'arrivera pas. Maintenant, une chose certaine, c'est que si on visualise que notre mère meurt, ça ne la rend pas immortelle. Ça veut dire qu'elle ne mourra pas comme vous l'avez visualisé. Et ce sont des points techniques sur lesquels on peut revenir à un moment donné. Un individu visualise que sa maison ne brûle pas. Mais il faut qu'il visualise surtout quelque chose qui englobe toutes les façons de brûler une maison. Sinon, il va se visualiser sur le balcon en train de vouloir sortir, puis les fenêtres éclatent sous la chaleur, les pompiers n'arrivent pas, ça n'y arrivera pas. Bon, là, il se visualise en train de sortir de sa maison, puis hop, il a oublié son chien dedans, ça n'y arrivera pas. Puis quand ça va brûler, ben peut-être qu'il va brûler avec, peut-être qu'il va être en vacances. Alors, si ça l'a brûlé. Mais ce qu'il aura sécrété, ce qu'il aura visualisé en sécrétant, ça n'arrivera pas. Par contre, il y a des moyens, et là, avec la maison, je peux donner un exemple, mais chaque individu, c'est pourquoi je dis qu'on doit travailler avec intelligence, on doit visualiser le résultat, un résultat qui est presque certain, si la maison passe au feu, quelle que soit la façon dont elle passe au feu. Alors, premièrement, je ne vois pas de forme autour de moi. Donc, je me permets d'éliminer les futurs possibles où que je sois. Et là, je visualise que je suis tout seul, j'ai perdu toute ma famille dans l'incendie. Bon, ça n'arrivera pas. Maintenant, je visualise aussi que ça peut ne pas arriver. Peut-être que tu n'as perdu un que 4 sur 5. Il faut visualiser pour éliminer toutes les probabilités. Parce que ce que je dis est authentique, ça fonctionne. Un humain peut dire, oui, mais j'ai visualisé telle affaire, puis c'est arrivé quand même. C'est pas arrivé comme tu as visualisé, ça, il n'y a rien à faire, c'est non. Ça n'arrivera pas comme tu l'as visualisé. C'est pourquoi on doit s'arranger pour comprendre la mécanique d'une chose sûre. Pas d'un soulier. Bon, une chose certaine. Voilà, au cas. Et là, on élimine les manières d'y aller. Mais ça fait des milliards de possibilités, ça, qu'il faut s'éliminer. C'est pourquoi on doit arriver entre le point A et le point B. C'est pour ça que tu disais qu'on n'a pas le temps de travailler. Non. Entre le point A, le point B, le point C, si le point B, tu ne le veux pas, tu t'arranges pour visualiser le point B. Tous les chemins qui mènent au point B vont disparaître. Alors, il y a des milliards de chemins. Visualise-les pas toutes, visualise le point B, et tu passeras du point A au point C. C'est comme ça. Je vois l'intelligence de déménager, mais mon ego sécrète le désir de partir et d'avoir une maison. En quoi l'ego peut nuire à la vision intelligente? Bien, vous n'êtes pas encore déménagé, vous allez voir. Ce qui peut arriver aussi, on déménage au mauvais moment, l'ego nous secrète, il y a tellement de petites mécaniques, c'est pour ça que l'individu, à partir de la conférence de ce soir, doit réfléchir, et autant qu'il est manipulé, et il doit simplement descendre tout ce qu'il peut mettre, intelligent là, le plus émotivement possible, donc avec le minimum d'émotion, et à un moment donné, ce qu'il visualise, de toute façon, n'arrivera pas. Alors, il visualise une maison, une chose qui est très dangereuse, c'est qu'il y a de très rares cas où l'individu sécrète, visualise, et ça arrive. Ça semble. Il visualisait sa maison, il visualisait comme il la voulait, avec le petit lac, avec les flamants roses, avec tout ce que tu voudras, et même avec la salle à couture. Bon, sur le toit. Et après avoir tout visualisé ça, il visualisait son bonheur, il visualisait ça avec ses enfants, avec sa femme, avec son mari, etc. Et puis, subitement, il l'a. Ce qu'il ne sait pas, c'est que lui a visualisé d'autres phénomènes qu'il n'aura jamais. Il a visualisé le bonheur. Laisse les mois passer. Il a visualisé les enfants. Ils vont s'en aller. Il a visualisé... Bon, ça semble arriver, mais la personne visualisait sans doute énormément de choses. Et elle a peut-être porté plus d'importance sur plus loin. Ça, elle peut l'avoir. C'est la chose sur laquelle elle aura sécrété le moins. Mais elle pense que c'est toute l'affaire. Elle pense que là, en achetant sa maison, elle vient de s'acheter 10 ans de bonheur. Et c'est voir que le reste, elle l'aura jamais. Donc, tu peux sembler avoir lu ce que tu voulais, mais c'est pas ça que tu avais... Non. Fie-toi sur l'astral. Lorsque j'ai un désir ou une manipulation astrale, je sécrète. Mais après avoir suffisamment sécrété, j'arrête pour un bout de temps. Y a-t-il un moyen pour s'en débarrasser totalement? Oui, on doit évoluer. On doit continuer à évoluer. Il y a des trucs, mais la problématique des trucs, c'est que si ils ne deviennent pas des mémoires d'intervention, autrement dit, si ça ne se met pas en branle tout seul sans qu'on ait à s'en occuper, au lieu d'être manipulé à penser tout croche ou à penser émotivement, etc., on est manipulé à toujours devoir faire une technique pour arrêter de penser. Fait que le temps que je perdais à penser, je le perds à faire une technique pour plus le perdre à penser. Alors, il y a des moyens, il y a des mécanicités. La chose qu'il y a, c'est que l'individu doit travailler ces techniques-là dans le but de cellulariser les techniques pour que finalement, ça, quand la pensée commence, immédiatement, il y a quelque chose, une technique, une démarche sentimentale, par exemple, qui s'appuie dessus pour l'empêcher de progresser, libérer la conscience de l'humain. Mais si je peux donner un truc comme ça ce soir, et l'individu va l'appliquer, puis ça ne donnera pas un résultat extraordinaire, parce que, ou bien non, elle pense, ou elle chante dans sa tête, il y en a beaucoup qui chantent dans leur tête tout le temps. La même mélodie, parvient, puis il commence à penser à quelque chose, d'un coup, ils sont encore en train de chanter. Bon, ils peuvent faire une autre technique, mais ça va occuper l'espace qui devrait être occupé par le par de la conscience, par une technique, sinon par l'astral. Alors, les trucs, c'est pas trop bon. L'individu, il a qu'à s'écœurer d'être comme ça. Comment puis-je utiliser cette technique de vivre maintenant des événements de façon négative pour vivre plus tard un futur intelligent pour me libérer de la sexualité? J'ai pris conscience hier soir de cette manipulation à imaginer tous mes fantasmes est extrêmement nuisible pour moi, et j'en ai assez. C'est ça. Bon, les fantasmes, etc., le phénomène sexuel, c'est une autre problématique. C'est une problématique qui est reliée au corps physique. L'individu a un corps très, très, très sexualisé. C'est-à-dire qu'il a un corps qui sécrète endocrinalement certaines formes d'hormones. Ces hormones-là vont réagir avec des récepteurs spécifiques corporels. Les récepteurs spécifiques envoient des informations au cerveau. Le cerveau, par le biais du thalamus, transforme les informations en énergie vitale, c'est-à-dire en rayonnement électromagnétique neuronique. L'énergie vitale est dégagée et altérée le périsprit de l'âme. L'ego se met au courant de ce qui se passe dans le corps, et l'ego ne se connaît qu'en fonction de ce qu'il lit dans le corps. Donc, étant donné que le corps, présentement, est envahi d'hormones sexuelles, l'ego est convaincu que c'est ça qu'il lui veut. Alors, nécessairement, vu que c'est ça qu'il veut, il l'exprime dans le corps par le biais de l'hypothalamus. L'exprimant dans le corps, il vient rehausser la sécrétion d'hormones sexuelles, et puis là, ça crée une synergie. Les fantasmes, les manipulations astrales, tu rentres à l'intérieur de ça, puis notre bonhomme, notre bonne femme est faite, plus souvent qu'autrement, notre bonhomme. Bon. De quelle façon empêcher ça? Il faut altérer le corps physique. Comment? Il y a une secte, l'individu peut être rentré dans cette secte, ça s'appelle les castrateurs de Russie. Il n'y a pas de moyen plus délicat d'altérer le corps physique? Un élastique, je ne sais pas. Ah, c'est ça qu'ils font. Il y a des moyens. Maintenant, ils te permettent 2 enfants. Avant. Il y a différents moyens, ce sont des moyens physiques. On connaît les chocs électriques, les douches d'eau froide. Il y a une secte à Montréal ici qui se donne des coups de talon sur les orteils. C'est la reconnaître, ils marchent avec des tout au début dans le plan. Mais c'est sérieux. Est-ce qu'il y aurait aussi un bienfait à ne pas agir selon les indications qui sont données à notre corps. Bon, là, c'est le corps physique. Oui. Ça, c'est le corps physique qui crée la problématique et ça engendre une manipulation astrale. Ou encore, l'individu a simplement à voir quelque chose, puis immédiatement, vu que le corps est déjà très sexualisé, bien, il faut n'importe quoi pour immédiatement tout décolle. Premièrement, l'individu devra aussi s'écœurer pour arriver à cellulariser la finalité de son problème. Ça peut prendre encore quelques années, remarque bien. Il peut perdre encore beaucoup d'énergie là-dedans. Mais il doit s'écœurer, il doit se rendre compte que ce n'est pas lui, que c'est le corps physique ou que c'est l'astral, mais que ce n'est pas lui. La preuve, c'est pas lui, il veut pas. Donc, c'est pas lui, il est manipulé. Le corps est manipulé, l'ego est manipulé, mais pas lui, il ne veut pas. C'est évident. Et il devra faire attention pour, surtout, ne pas arriver à engendrer dans sa conscience une lutte entre le concept de ce qu'il exprime et le concept anti-ça. Ça peut engendrer la honte, ça peut engendrer la culpabilité, ça peut engendrer des déformations psychologiques assez graves, donc normalement des maladies psychologiques. Ça peut créer un paquet de problèmes. Alors l'individu doit premièrement comprendre que le corps physique est de même. Son corps physique est un corps qui doit évoluer. Son corps devant évoluer, nécessairement le corps va prédominer présentement sur le peu de mental, sur le peu de contrôle que le mental a du corps physique. Et il devra se contenter, on n'a pas le corps physique qu'on veut avoir, on est manipulé. L'individu prend un corps physique comme ça, ça va passer. Et la façon d'accélérer le processus de cellularisation, il y a deux façons. C'est d'y aller à plat de couture pendant un grand bout de temps, mais on faisait ça dans l'Antiquité. L'épuisement total. Ceux qui s'en sortent. L'abstinence n'est pas une solution parce qu'elle est impraticable. L'individu doit, quand il sera pris là-dedans, bien, il devra se laisser prendre là-dedans tout en continuant à se dire « C'est-tu niaiseux? » Il va finir par intelligencer la mécanique. Il va finir par avoir, par engendrer une connexion hypothalamienne entre le mental et son corps physique, présentement c'est au niveau de l'astral, donc au niveau de la psychologie de l'âme que ça se fait, pour parvenir à un moment donné à bloquer la réceptivité ou la sensibilité des récepteurs spécifiques qui ne réagiront plus aux sécrétions endocriniennes sexuelles. Et là, l'ego ne sera plus au courant qu'il y a le goût. Fait que lui qui n'est pas au courant, il n'y aura pas le goût. Il va avoir de moins en moins le goût. Mais l'individu doit passer encore une fois par la force d'écœurement. Mais un écœurement qui ne doit pas être sécrétatif, un écœurement qui ne doit pas être astral ou émotif, un écœurement qui doit être mental ou intelligent. Ce que tu viens de dire là peut s'appliquer à n'importe quoi. Pour tout ce qui est physique, les problèmes d'obésité, les problèmes de cigarette, d'alcool, oui. Etc. Si j'ai de la difficulté à appliquer la technique que tu as décrite, la meilleure chose à faire est de faire les démarches que j'ai à faire sans émotion, c'est-à-dire que si ça arrive, ça arrive, sinon ça fait rien. C'est évident. Si ça arrive, ça arrive, sinon ça fait rien. Ça, c'est le début d'une vie sur cette planète un peu plus agréable. Mais si vous faites cela, à un moment donné, vous aurez l'énergie qu'il faut pour commencer à intelligencer l'avenir et à changer les choses. Donc, il n'y a aucun problème. Si la personne ne peut pas faire autrement que de faire ça, mais elle fait en plein ce qu'il faut pour pouvoir le faire. À quel signe je peux savoir si un futur possible a été assez sécrété pour empêcher ce futur de se réaliser ou bien si je dois continuer de pratiquer? Moi, depuis que je suis jeune, je sais quelque chose, c'est que j'ai une réaction, une manipulation qui fait que quand dans ma tête, t'as dit, j'ai pensé assez, juste assez pour que ça n'arrive pas, je sais que c'est accompli. C'est une mémoire d'intervention. Elle était là. Mon corps physique l'avait. De quelle façon un individu peut arriver à coûter? Il faut absolument que lorsqu'il n'a plus de sécrétion endocrinienne en direction de où il veut aller, quand il n'y en a plus du tout, qu'il peut considérer qu'il a suffisamment sécrété. Mais là, je parle de l'antagoniste total. Total. Quand j'étais jeune, je volais des biscuits dans une boîte, dans une armoire. Et j'ouvrais la porte, je fouillais dedans, je ramassais les biscuits. Et là, quand j'entendais mes parents arriver, alors je me pressais à tout fermer ça au complet, ils m'attrapaient tout le temps. Jusqu'au jour où j'ai tenté l'expérience tant qu'à se faire attraper, j'étais déjà fou à l'époque, et je me suis dit, je me presse plus. Alors quand j'entendais arriver, je prenais mes biscuits, je me disais, c'est pas voir. Je fermais la boîte bien comme il faut. Je me mettais dans l'armoire, je prenais le biscuit, je mettais dans mes poches, et mes parents rentraient. J'ai cessé de me faire prendre. Et j'ai essayé de comprendre la mécanique. Pourquoi, quand je prends moins de temps, il me pince, quand j'en prends plus, il ne me pince pas, il devrait me pincer plus. Quand je prenais mon temps, je ne sécrétais plus. Au yard. Et eux, ben, ils venaient pour rentrer, et puis là, ben, là, ils parlaient à quelqu'un avant de rentrer, puis il y a toujours quelque chose qui faisait en sorte que j'avais le temps. La porte s'ouvrait mal, puis le chien était dans la jambe. Beaucoup de choses. Et là, quand tu appliques ça au biscuit, c'est pas pire. Quand tu décides que tu es dans l'armée, tu es sur un champ de bataille, en train de placer des explosifs pour faire sauter la moitié d'une base, et que tu entends l'ennemi arriver, tu te dis, ah, je vais prendre mon temps, je me dépêche, ils vont me pincer. C'est là qu'il faut l'appliquer. C'est pas des biscuits. Mais là, l'humain est habituellement un ego beaucoup trop faible, là, parce qu'il désire vivre. Il va sécréter, il va se dépêcher de toute façon, s'il prend son temps et sécrète, il est fait. Mais l'individu qui... Oh, place tout au complet, il est vivant, il ne sera pas pincé. Je rentrais dans des dépanneurs qui me dépannaient, c'est bien d'ailleurs, je prenais des cochonneries, et puis je discutais, je dialoguais, et puis finalement, je m'en allais. Mais il m'intervient souvent de ne pas prendre l'autobus, de me faire prendre par l'autobus. Et je rentrais, et puis j'allais m'asseoir, et puis c'était correct. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que je ne payais pas souvent. Et là, j'ai étudié pourquoi. J'en ai déduit que j'étais invisible. Étant donné que je ne télépathisais pas ma présence, le mental de l'autre ne me recevant pas, il ne me retenait pas en mémoire. Il me voyait et m'oubliait, me voyait, m'oubliait. Bon, il n'y avait pas d'impression astrale dans son ego par mon absence totale de communication. Donc, il ne pouvait se servir de l'information visuelle pour me raisonner. J'étais invisible astralement. Physiquement, j'étais là, il a pris une photo, il a dit, il y a un gars sa photo, mais il n'y avait personne. Je suis sûr qu'il n'y avait personne. Ma présence n'a pas impressionné son ego, donc elle n'a pas été photographiée astralement, donc elle n'a pas été mémorisée. Et il ne peut pas se servir de l'information visuelle. Et finalement, aujourd'hui, je sais que c'est parce que je ne sécrétais pas. Il y a plusieurs choses qu'on pourrait rajouter sur le phénomène. L'individu doit savoir, on parle du signe, bon, on parle de répondre à la question. L'individu, lorsqu'il a suffisamment sécrété, à un point tel que maintenant il s'en balance, il s'en fout, comme l'autre personne le disait tout à l'heure, il n'y a plus rien dans l'opposé, parfait. Moi, je sécrétais pour me faire pincer, il me faisait pincer. À un moment donné, ben, ils vont me pincer pareil, ils rentrent. Bon, il ouvrait la porte, il rentrait, mais il avançait deux pas, puis j'étais là. Alors, puis, je prenais bien mon temps et je faisais tout pour bien ralentir, prendre bien mon temps. Autrement dit, j'avais le droit de prendre ces muscles-là. Et astralement, je ne sécrétais plus rien. Puis, il ne me pinçait pas. Alors, ça s'applique tout le temps, mais il faut que l'humain soit capable de supporter une dose de stress particulier. On parle encore du champ de bataille, bien, c'est là, c'est intéressant. Hein? Très intéressant. Fait que s'il y en a qui trompent leur femme, ils sont mieux de ne pas sécréter. Je travaillais avec des gens en pleine forêt et puis il y avait un jeu de guerre. Alors il y avait des personnages, il y avait des équipes, les personnages avaient les yeux bandés pour développer leur sens vital en pleine forêt. La nuit, il pleuvait. Et puis il y a un campement qui était à près de 1 km et demi de l'autre campement. Les campements savent pas où ils sont placés, puis c'est des grenades d'eau qu'on doit se lancer. Et il y a différentes techniques pour que les individus apprennent différentes choses et mettent en pratique. Et puis c'est là, tu as le même phénomène. Quand tu es poursuivi, tu rentres de quelque part dans un buisson, il faut qu'on t'entende plus respirer, il faut qu'on t'entende plus penser, il faut qu'on t'entende plus sécréter, il faut que tu sois un buisson. Puis il n'y a aucun problème. Et les autres individus, ils se promènent la nuit, puis tu vois leur corps vital à 1 km à ronde, tellement ça sécrète. Alors, il y a énormément l'individu qui pratique certaines choses doit s'arranger pour le pratiquer, non pas quand c'est facile. Vous savez, quand on vient de manger, c'est facile de commencer un jeûne, là. Problème. Pas faim. Facile. Quand on commence à avoir faim, là, on commence à mettre en question le jeûne. Quand on a bien faim, mais là, on se dit, oui, on se tue niaiseux, puis là, on mange. Quand on a mangé, on se dit, merde, j'aurais pas dû. Bon, je vais faire un jeûne, là. Là, je recommence, là. Alors, pour pratiquer la sécrétion, pour éviter des futurs possibles, n'importe quel genre de phénomène du genre, il faut qu'on le fasse quand c'est pénible. Là, on salularise. Profitez de ce phénomène-là. Ça vous fait attraper de temps en temps. De toute façon, vous vous faites attraper de temps en temps. Profitez-en pour apprendre là. Comment savoir quand c'est fait? Vérifie. Casse la gueule. Prochaine fois, tu vas plus loin. Ça marche. Et vérifiez. On a la vie pour ça. On est ici pour ça. On a du temps pour ça. On doit s'occuper jusqu'à quelques années. Alors, autant s'occuper. Profitons-en. Quand je suis en train de vivre des initiations lunaires, exemple, rien ne se passe comme je veux pendant 5 heures de temps, comment prendre contrôle pour que ça devienne des initiations solaires? Désirer ce qui se passe. C'est la clé. C'est la clé. Cesser de lutter contre ce qui arrive. Tu es pressé, ton automobile ne part pas, ça ne démarre pas, quand ça démarre, tu t'en vas, il n'y a pas de stationnement, tu tournes en rond, tu reviens. Pas plus merde, relax. Arrête un bout de temps sur le bord du chemin, va chez McDonald's, va quelque part. T'es en retard de toute façon, puis laisse tout ce qui est croche passer. Mais tant que tu restes dedans, ça peut te suivre pendant plusieurs heures. T'es dedans, astralement, tu l'attires, t'es frustré, tu sécrètes, que si ça reste. Moi, de nouveau, déconnecte totalement. Arrête. Puis si t'es fier d'avoir élevé ta belle-mère la fin de semaine, on va te partir le lendemain matin. Tu prends un balai, et puis tu pointes le manche vers elle, à son insu, et puis elle restera pas longtemps. Il faut pas que tu sécrètes, là. Alors, quand j'étais jeune, moi, j'ai fait ça sur un de mes ongles, puis je sécrétais, puis il est parti. Lorsque tu dis « l'homme ne doit plus travailler, il doit être libre », ton libre veut-il dire être totalement disponible à l'intelligence, ou si ce serait spirituel de dire ça? Non. C'est être totalement disponible à l'intelligence, ce n'est pas spirituel de dire ça, mais qu'est-ce que c'est qu'être totalement disponible à l'intelligence? Ah là, on peut l'expliquer d'une façon très spirituelle et d'une façon tout à fait espirituelle, reliée à l'esprit, non pas à l'astral ou à l'illusion de l'esprit. Être totalement disponible à l'intelligence, ça ne veut pas dire qu'on attend que ça nous dise quoi faire. Quand l'être humain devient, quand l'être humain est relié à son intelligence, c'est lui qui sait. On ne parle plus dans sa tête, ça ne pense pas quand il ne veut pas, ça ne pense pas quand il veut dormir, ça ne pense pas à quelque chose quand il veut faire autre chose. Ça ne le distrait pas. Il n'y a rien où il y a l'information qu'il a besoin quand c'est nécessaire qu'il l'aille. Être totalement disponible à l'intelligence, ça veut dire accomplir. C'est un véhicule. Donc, on est un serveur, pas un serviteur. Parce qu'on est tout à fait d'accord de faire ce que subitement on a à faire. Et ce n'est pas une manipulation en ce sens qu'on nous colore. Mais à un moment donné, on n'a rien, on n'a pas le goût de rien faire et on ne fait rien. Et 2 ans après, on décide que là, on se lève. Mais c'était le temps. Un autre humain, lui, ben, il n'y a pas le temps qu'il se lève. Alors, on va le faire niaiser pendant 2 ans, à lui faire croire que c'est là qu'il faut qu'il aille, que c'est ça qu'il faut qu'il fasse, qu'il faut qu'il se marie, qu'il faut qu'il se divorce, qu'il faut qu'il aille ici, bon. Puis dans 2 ans, ben là, il va rentrer dans ce qu'il a à faire. Il y en a un qui aura souffert pendant 2 ans, qui va continuer à souffrir maintenant qu'il a ce qu'il doit avoir, sa liberté, mais là, il ne pourra pas s'en servir. Et il y a l'autre qui va l'apprendre. Celui qui est libre, il est totalement disponible. Ça veut dire qu'il a tout le temps qu'il a besoin lorsque l'intelligence chez lui suscite quelque chose. Et il a toute la matière qu'il a besoin. De temps en temps, on est bien mal pris. On voit quelque chose d'intelligent. Pas le temps de s'en occuper, on n'a pas l'argent pour rien faire. On n'a pas la santé. La liberté, elle commence par ce qui est le plus facile, par la matière. Et elle va en grandissant. Jusqu'à temps que l'humain se ramasse totalement libre. Il a tout ce qu'il a besoin d'avoir lorsque c'est nécessaire qu'il l'aille. Donc, il devient assujetti à ce que je vais nommer une corde raide à l'instantané. Combien as-tu en banque? 50 $. Puis ça ne fait pas peur? Non. 2 semaines après, il prend l'avion pour aller en Australie. Ça coûte 3 500 $ le billet d'avion. Il y a eu ça où? Oh, il y a eu une rentrée de quelque chose. Il y a eu... aucun problème. Il n'y aura pas de problème. Ça, ça va être libre. Mais tu peux avoir 1 000 000 $, parce qu'il faut bien que cette liberté monétaire soit dans un compte en banque quelque part, disponible. Mais tu as 1 000 000 $ en banque, mais c'est pas à toi. Il y a toute une autre, il y a quelque chose, il y a toute une affaire, j'en parlais pendant 8 heures à un moment donné. Il faut changer la structure. Celui qui se conscientise, habituellement, il descend. J'appelle ça un MTS, un marché de la transition supramentale. Alors, il s'écrase. Alors, l'individu doit changer ces choses-là. Pour ça, il faut qu'il ne soit plus un sida, un sinistre individu dominé par l'astral. Que veut dire l'expression « avoir beaucoup d'ego » exemple Jean-Baptiste? Avoir beaucoup d'ego, exemple l'humanité. Avoir beaucoup d'ego, ça veut dire, dans l'expression populaire, avoir un ego qui s'exprime en complexe de supériorité. Tous les humains ont beaucoup d'ego, c'est-à-dire qu'ils ont approximativement la quantité d'ego qu'ils ont. Ni plus ni moins. Bon. Mais lorsqu'un ego s'exprime continuellement en complexe de supériorité, lorsqu'un ego a totalement besoin que les autres le voient, que les autres l'entendent, que les autres sachent ce qu'il est, etc. Lorsqu'on dit à un ego, tais-toi, c'est dangereux, et puis il continue à jaser. Lorsqu'on dit à un ego, cesse, arrête, c'est assez, puis qui continue quand même. Une personne qui a beaucoup d'ego, c'est lorsque quelqu'un veut vous convaincre de quelque chose. Puis quand c'est convaincu, c'est vendu, vous l'achetez, puis il continue à vous vendre pareil. Il y a beaucoup d'ego, lui. Quand quelqu'un vous dit, là, c'est en fin de semaine, je prends des vacances, puis vous dites oui, puis il s'attendait à ce que vous disiez non. Ah, ben, de toute façon, que tu te dises oui ou non, il continue pareil. Il y a beaucoup d'ego, lui. Il dit oui, ça me dérange pas. Ouais, ça te dérange pas, mais même si ça t'aurait dérangé, il faut absolument que je chicane, il a prévu ça. Beaucoup d'ego. Mais le Baptiste avait beaucoup d'ego, lui. Il est perdu la tête. Combien de temps dois-je visualiser que je perds quelque chose, ce qui n'est pas difficile puisque je n'ai jamais rien eu, pour avoir cette chose? J'ai toujours prévu perdre et j'ai toujours perdu à la loterie ou ailleurs. De toute façon, la loterie, c'est une très bonne place pour perdre. Ben, c'est une place pour gagner aussi, celui qui achète le bon billet. Ouais, mais on n'achète jamais le bon billet. C'est les bons chiffres, il faut qu'ils sortent après. La personne, ce qu'elle a à faire, c'est le gros problème dans certains cas, c'est qu'on doit avoir une raison intelligente. Une seule raison intelligente d'avoir une chose, puis c'est réglé. Mais l'humain a des raisons émotives d'avoir des choses. Il y a des humains, je l'ai rencontré, qui ont des raisons intelligentes d'être en santé, qui sont malades. Alors, ils me demandent comment faire pour se guérir. Tu peux te guérir instantanément. Il te faut une raison intelligente d'avoir la santé. Alors, ils cherchent. En tout cas, je ne vois pas de raison intelligente d'être malade. Je comprends. C'est pas ça que je te dis. Tu es malade. Trouve-tu une raison intelligente d'être en santé? La problématique, c'est qu'à l'instant où il en trouve une, il sécrète. Donc, dans certains cas, l'individu doit encore faire son travail. Moi, j'amène de l'information. C'est les gens qui doivent évoluer, doivent se changer. L'individu doit se trouver une raison intelligente d'avoir ce qu'elle veut avoir. On peut avoir une raison intelligente et 50 raisons émotives avec. Ben, il faut éliminer toutes les raisons émotives, ne conserver que la raison intelligente. Sinon... conférence, la semaine dernière ou la semaine d'avant, et puis c'est un sujet sur lequel on revient souvent. Se créant un double éthérique, il y a 20% de l'ego, de la structure énergétique qui constitue l'âme, le virus, qui est transformé en personnalité. Pas une personnalité émotive, une personnalité moroncielle, une personnalité éthérique. Si l'individu meurt avant, tout ce qui était anémotif dans la structure conceptuelle de l'ego s'en va dans le double éthérique et ça se réincarnera quelque part en se rappelant qu'est-ce que c'est. Ça se réincarne dans un autre enfant, ça va prendre le dessus immédiatement sur toutes les mémoires réincarnationnelles qui vont constituer l'ego de l'enfant. Donc, il va devenir un enfant teflon, c'est-à-dire que même les parents ne pourront pas le contrôler convenablement parce qu'il est la réincarnation des parents, avec un chapeauté de double éthérique plus puissant qui le désassujettit, qui l'individualise des parents et qui en fait un individu, un être humain à part entière en très bas âge. Et le parent devra maintenant travailler avec un adulte dans l'enfant parce que l'enfant teflon est une réincarnation d'une petite partie de double éthérique en constitution et d'un phénomène mémoriel. Là, donc, la personne, qu'est-ce qui va se réincarner? Premièrement, tout ce qui n'aura pas été transmuté en double éthérique, gagne le monde de la mort. Et là, ça se digère à travers le monde de la mort, ça va se réincarner à travers un paquet de corps, mélangé avec un paquet de mémoires de d'autres phénomènes, de d'autres individus. Et la petite partie qui aura été anégoïquement transmutée en double éthérique va se réincarner chez un individu, chez un enfant, et ça va le teflonniser, ça veut dire que ça va faire de l'enfant un enfant sur qui tout ce qui est traditionnel ne collera pas, ou collera très mal. Un livre est sorti sur l'alchimie, écrit par le comte de Saint-Germain. Est-ce vraiment Saint-Germain, et que vaut la pratique de l'alchimie aujourd'hui? Bon. Ce n'était pas Lazare, ce n'est pas Lazare qui a écrit le livre. C'est le comte de Saint-Germain, mais ce n'était pas Lazare. Pour ceux qui ne savent pas, le comte de Saint-Germain est en grosse partie la réincarnation de Lazare. C'est aussi Thomas Paine. Thomas Paine a servi de corps physique pendant un grand laps de temps à Lazare aussi, qui était d'ailleurs le disciple le plus intéressant et le plus intelligent du Nazaréen. Lorsque Lazare a quitté le corps de Saint-Germain, les mémoires saint-germiques ont continué à faire des choses, et en contact avec différents phénomènes comme Cagliostro et d'autres personnages, il a écrit un livre sur la chimie de Dieu. On sait que Al, comme Allah, ça veut dire Dieu. L'alchimie, c'est la chimie de Dieu. Et ce livre n'a pas été écrit par l'essence saint-germique, ce qui esotériquement intéresse les personnages, les personnes, a été écrit par le corps de Saint-Germain avec ses mémoires. La pratique de l'alchimie est un art ancestral extrêmement ancien qui était la descente dans la matière de la mutation atomique de l'homme. Aurobindo en a reparlé avec la genèse du surhomme. Krishnamurti a été le premier prototype humain de ce surhomme. Et il y a au Québec de plus en plus de génétiques qui vont devenir ce surhomme ou cette surfemme. La mutation atomique est ce que l'alchimiste recherchait. Il impliquait dans la matière une forme, transformer le plomb en or, par exemple, en augmentant la quantité d'électrons autour du noyau. Ce qui se fait aujourd'hui, on en fait de l'or à partir du plomb, à partir du cuivre, à partir de d'autres choses. Mais ça coûte plus cher que de le sortir des mines. L'alchimie était la tentative matérielle de prouver à l'ego que le corps physique un jour subirait aussi une mutation atomique pour devenir de l'or. C'est-à-dire que l'alchimiste voyait dans le corps physique de l'homme du charbon, du carbone, et quand on restructure la position atomique et moléculaire du carbone, du charbon, on en fait le diamant, qui est du carbone pur comme le charbon. Mais le charbon est très, très, très friable, il est facile à démolir, il est totalement noir. Le diamant, lui, est l'une des pierres les plus dures sur le plan planétaire et totalement translucide. Laisse passer la lumière, il est plus colorable, il n'est pas noir. Le noir absorbe toute la lumière, il ne la transmet pas. Le diamant, il laisse passer le diaphane. Alors, l'alchimie était la mémorisation ésotérique, comme on l'a fait dans des tarots, d'une certitude supramentale dans l'avenir. C'était une matière, une science qui permettait à la planète Terre, au niveau des akashas, des mémoires donc de la planète, de ne pas oublier ce qui un jour arriverait à la structure moléculaire de l'homme, à la structure atomique de l'homme, sa mutation ou sa transmutation. L'alchimie parle aussi de l'énergie christique. Le Christ, c'est de l'énergie supramentale. La supramentalisation du corps de l'homme engendre une mutation, une christification. Et bref, l'alchimie aujourd'hui, elle ne sert à rien du point de vue de la pratique en tant qu'alchimiste. Mais elle s'applique totalement à l'homme, à la femme ou à l'enfant qui se conscientise, sans avoir à travailler sur le grand œuvre. Le grand œuvre devra être vous, et non pas quelque chose d'autre. Pas une pierre philosophale ou une huile particulière. Mais c'est l'homme qui va tout avoir. Comment renforcer son corps sans l'abîmer avec les hormones si j'ai une voix mentale? Si elle a une voix mentale, qu'elle se pose des questions mentalement et qu'elle se laisse le temps d'arriver à se répondre et elle se répondra. Si j'ai vécu émotivement l'attente d'une situation pendant 2 ans, va-t-il falloir défaire ça pendant un autre 2 ans pour que la chose ait 1% de chance de se matérialiser? Non, la personne, elle ne défera rien. Elle n'est pas partie pour rien défaire. Elle n'a pas encore suffisamment d'énergisation mentale pour pouvoir engendrer le travail. La personne, elle pose la question, mais elle ne peut pas faire son travail. Présentement, elle a travaillé le secrétaire pendant 2 ans pour faire quelque chose, et elle a encore un ego qui est totalement convaincu que de toute façon, la chose, elle ne l'aura pas. Alors, il n'y a même pas de technique ou de truc à donner. La personne, elle manque encore d'énergie. Elle devra donc commencer par s'énergiser. Et présentement, elle n'est pas partie pour aboutir dans ce qu'elle veut faire. Qui êtes-vous pour nous apporter ces informations si intéressantes? Alors, qui êtes-vous pour trouver ça intéressant? Ce n'est pas une farce. On place de la valeur dans l'orateur. Si vous trouvez ça intéressant, c'est qu'il y a aussi de la valeur dans l'auditeur. Alors, tant qu'à poser la question, qui êtes-vous pour? Non, qui suis-je pour comprendre ou qui suis-je pour trouver ça intéressant? Mais vous êtes drôlement plus haut que ce que l'ego, normalement, veut donner à l'homme dans son médiocrisme. On se pose la question, c'est bien mieux. Pourquoi Alexandre Lachance disait-il qu'il fallait vibrer un futur pour l'attirer en le vivant aussi émotivement? Il cite le cas d'un pompier qui a toujours eu peur de mourir à tel endroit brûlé et ce qui est arrivé exactement à cet endroit. Le pompier, premièrement, en parlait souvent et deuxièmement, le pompier, il était un médium. Il avait vu différents phénomènes avant et il sécrétait certaines choses. Il ne l'a pas sécrété convenablement parce qu'il parlait. Il parlait, il sécrétait et il parlait. Donc, il amenait, tout à l'heure, j'ai bien expliqué dans le début de la conférence, qu'on ne doit pas parler de ce qu'on veut éliminer. On risque de l'attirer. C'est-à-dire qu'on risque de le créer. C'est-à-dire qu'on risque qu'à un moment donné, quand le pompier a trouvé l'endroit parfait, il s'est dit, c'est là, je le savais. Puis il est resté là. Bon, il est mort là. Maintenant, Alexandre Lachance, ce qui l'amenait, c'était... On va parler maintenant qu'il est réincarné. Il a possédé quelqu'un pendant un bout de temps. Après ça, il a trouvé un corps pour se réincarner dedans. Alexandre Lachance, ce qui l'enseignait, c'était la tradition. Et il y a des personnes qui sont au courant qu'un jour, il est venu me voir et il m'a dit, « J'aimerais que tu sois celui qui va continuer à enseigner la théocratie. » Et je lui ai dit, il y a une condition et je ne peux pas l'accepter. La condition, eh bien, il a dit, oui, il y en a une, il faudrait que tu cites d'où ça vient. Ça venait pas de lui. Et je lui ai dit, moi, je ne parle qu'en mon nom. Si je trouve intelligent la théocratie, elle m'appartient. Je ne peux pas citer. Si vous trouvez intelligent une chose que je dis, c'est que vous l'avez compris. Si vous l'avez compris, c'est qu'elle vous appartient. Alors, vous ne pouvez pas dire, Daniel Kemp a dit que vous ne pouvez dire, ça, c'est logique. On ne cite pas quand on a compris. Alors, je n'ai pas pu accepter. Mais Alexandre lui-même savait déjà qu'il n'avait pas le corps physique pour changer. Il ne pouvait enseigner l'intelligence qu'à travers la tradition. Et quand j'ai travaillé avec lui un court laps de temps où je m'occupais un peu de... d'un endroit où il donnait des conférences, eh bien, je devais aller le chercher dans le public pour le sauver du public. Et tout le monde me disait, « Ah, t'es bien chien, tu nous l'autre. » Et moi, je sauvais Alexandre, parce que les verrues autour, les têteux, les sangsues autour, ils ramassaient toute ton énergie. Alexandre Lachance n'avait pas le corps physique pour communiquer l'intelligence sans la tradition. Alors, ce qu'il enseignait au niveau de la visualisation, c'était la tradition. Et à un moment donné, il sort après une conférence, il y a une personne que je connais qui va le rencontrer, il lui dit, « Écoute bien, c'est tout ce que tu as dit là, c'est pas vrai, pantoute. » Et Alexandre répond, « Bien sûr, mon bon, que c'est pas vrai. » Puis il part aux toilettes. Ah, c'était Alexandre Lachance. Il passait le temps, il étirait le temps qui lui restait, il faisait plaisir à un public. Et il le savait. Bon. Alors, ce qu'il a communiqué... Alexandre Lachance ne sert pas l'homme. Et ce qu'était Alexandre Lachance, c'est autre chose. Mais ce qu'il a communiqué était du baume sur le cœur. Alexandre Lachance, pendant un grand laps de temps, a travaillé, comme avec d'autres conférenciers, à soutenir des individus qui se sont vus abruptement arracher leur béquille spirituelle et ne savaient plus où aller. Alors, il y a des personnes au Québec... il y en a une présentement qui continue à faire ce travail à la télévision, qui sert à récupérer les individus qui, à un moment donné, se voient arracher leur béquille, et ils vont les amener dans l'ésotérisme théologique, dans l'alchimie théologique, dans l'ésotérisme extraterrestre, bon, dans différentes mécanicités, pour que les individus qui ne sont pas encore prêts à accéder de la conscience neuve ne perdent, transmutent leur spiritualité vers une conscience neuve en conservant des traditions. Ce qu'Alexandre faisait, ce que d'autres font aussi. Et à un moment donné, l'individu qui passe par là, qui est une phase d'attente, va grimper un autre palier, un autre palier, un autre palier. Donc, du point de vue de l'information même, ce qu'Alexandre Lachance a donné est un phénomène qui, dans un être humain qui se conscientise, n'est pas applicable. C'est extrêmement utile pour celui qui n'est pas apte à accepter du neuf, neuf, et qui n'est plus capable de rester dans le vieux, vieux. Alors là, il y a toute une panoplie de conférenciers ou de personnages qui ne sont là que pour empêcher les corps physiques de se suicider. C'est le travail d'Alexandre Lachance. Donc, le travail, c'est extrêmement efficace. Un jour, il me contait ça, il y a une sœur qui vient le voir, elle avait 60 et quelques années, puis elle lui dit, il faisait de la consultation, c'est d'ailleurs ce qui l'a tué. Ça fait 40 ans que je me masturbe tous les jours. Qu'est-ce que je peux faire pour arrêter ça? Fait qu'Alexandre, il avait 84 ans à l'époque. Et puis, il lui a dit, ben, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Puis, il dit, continuez. Ben, c'est le travail d'Alexandre. Empêcher les gens de se suicider. Bon, alors, quand une personne disait, donnez-moi un moyen d'arriver à tirer ce que j'ai besoin, ben, il prend la tradition. Tu veux une plume d'oiseau? Visualise une plume d'oiseau, la plume viendra vers toi. C'est la tradition. L'individu visualisait la plume d'oiseau venait pas, il vivait pendant ce temps-là, puis quand il était écœuré de tout ça, il y avait l'énergie qu'il fallait maintenant pour aller chercher du neuf. Ça lui permettait de passer à l'autre étape. Oui, Alexandre Lachance, c'était pas un instructeur, c'était un sauveur. pas pareil. Un instructeur, ça casse la gueule des gens. C'est d'ailleurs, c'est comme tu as dit, c'est ce qui l'a tué. Ben lui, c'est parce qu'il sauvait les gens, donc il ramassait leur karma. Pendant ce temps-là, les gens continuent à monter. À quoi mène cette liberté dont vous parlez? Comment l'homme nouveau occupera-t-il son temps? Bon, l'homme nouveau, comment il occupera-t-il son temps? Savez-vous que lorsqu'un être humain s'est libéré de la liberté, lorsqu'un être humain est totalement libre, il n'occupe pas son temps parce qu'il n'a pas de temps à occuper. Il est libre du temps. Dernièrement, bon, j'expliquais à des séminaristes qu'il y avait deux façons de se véhiculer. Il y avait le véhicule dans le temps et le véhicule, le mouvement dans l'espace. Alors, nous sommes aujourd'hui, il était là, je m'assois, j'ouvre les yeux et nous sommes 2 mois plus tard. C'est ce que l'homme nouveau fait. Les personnes avec qui je vis ou avec qui je voyage, souvent, sont totalement frustrées de voir que je ne m'ennuie jamais. Alors, on est dimanche aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai pas besoin de rien faire, moi. Oh, c'est bien, toi, tu passes ton temps à rien faire, puis tu te déranges pas. Ben, effectivement. Je ne vieillis pas au même rythme que tout le monde. Si on regarde l'année de ma naissance et aujourd'hui, on va dire tu as tel âge. Mais si on regarde, je n'ai pas tel âge. J'étais des bouts que j'ai sauté pendant que les autres vieillissaient. Bon. Ils se déplaçaient dans la matière en même temps que dans le temps. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'on peut se déplacer dans le temps en sautant par-dessus la matière. Alors l'homme nouveau n'occupe pas son temps. Pourquoi il aurait occupé son temps? Il n'a pas de temps occupé. L'homme ancien occupe son temps. Il s'ennuie, lui. Il est confiné à se déplacer dans le temps au rythme du déplacement dans la matière. Alors, il y a une chronologie qui va avec sa montre. Alors, s'il est là et il doit être là, ben, il faut qu'il niaise tout ça. Bon, au lieu de passer là à là et retrouver le corps physique là, il reste dedans et il attend que la matière l'ait amené là où le temps doit le rejoindre. Et là, il faut qu'il s'occupe parce que l'astral a besoin de stimulation. Il faut qu'il sécrète, il faut qu'il se... Bon, ben voilà, lui, sans lui. L'homme nouveau n'occupe pas son temps. La planète Raz, est-ce que ça existe? Si oui, parle-moi-en. Pourquoi ça peut exister si on veut que ça existe? Comment se débarrasser des vibrations d'une personne assez forte énergétiquement? Eh bien, on peut pas. On peut pas s'en débarrasser? Bon, on peut se débarrasser de la personne. Vous débarrasser de ses vibrations? On doit augmenter son potentiel vibratoire, ce qui fait que la personne ne sera plus assez forte vibratoirement. Mais comment on fait ça? On fait ça, on continue à faire ce qu'on est là. Quand l'individu arrive à faire une colère mentale, quand il va être suffisamment écœuré, il va réussir. Il y a beaucoup de trucs que je peux donner. Je peux donner un paquet de trucs. La problématique, c'est que... Regardez bien ceci. L'écœurement, c'est ce qui permet à l'humain d'arriver à avoir un contact avec son intelligence. Lorsqu'il est totalement écœuré, il se déconnecte des traditions, il se déconnecte du collectivisme, des opinions d'autrui. Il ne sait plus où il va. Puis s'il s'écœure suffisamment, ou il meurt, ou il reste. S'il reste, il s'en sort. Et c'est pourquoi il y a des mécaniques qui font en sorte que l'humain... qu'on semble manipuler l'humain, comme Alexandre ou comme d'autres, pour l'empêcher de se suicider. Ce qu'on veut, c'est le corps physique. Fait qu'on donne à l'ego n'importe quoi. Bon, du moment que l'ego continue à monter. L'humain va finir par s'écœurer suffisamment pour avoir un contact avec son intelligence. Ce qui fait qu'à un moment donné, non seulement il va comprendre ce que je dis, mais en plus, il va savoir avant que je le dise ce que je vais dire. Donc, il va être relié télépathiquement à une intelligence. À un moment donné, il n'aura plus besoin de moi, il n'aura plus besoin de personne, il va être totalement individuel, plus besoin du point de vue de l'information. Il va comprendre l'intelligence de travailler en collaboration, c'est tout. Mais si chaque fois qu'un individu a un petit problème, on lui donne un truc pour régler le problème, on l'empêche de se libérer. À un moment donné, je faisais de la télévision dans un poste de câble sélecteur à Québec. Et le caméraman, il me dit, je ne suis pas payé, moi, pour faire ça. Puis normalement, les gens qui viennent, ben, ils nous donnent un pourboire. Ben, j'ai dit, moi, je ne donne pas de pourboire. Moi, je m'en viens ici, je pars de Montréal, je fais 6 heures d'émission en fil pour éliminer ça. Donc, on fait 12 émissions aujourd'hui, d'une demi-heure chaque. Et puis, après ça, je m'en vais. Mais je te donne aucun nom. Ah oui, mais habituellement, les gens, ils me donnent 5 $ par émission, 11 $ par émission. Ben, moi, je te donne rien. Pourquoi tu vas avoir un pourboire? Mais ben, oui, Vidéotron ne me paye pas. Mais c'est ça. Je te paye pas moi non plus. Puis, quand tu voudras qu'ils te payent, tu seras assez écœuré que tu iras leur dire. Mais tant qu'on continue à donner du pourboire, là... On fait éteindre le feu. Bon, mais ils ne payeront pas non plus. Ils ne payeront aucun employé, les gens, ils ont du pourboire. C'est comme envoyer de l'argent d'un pays se développer. Le gouvernement, il n'aide pas son peuple, la planète s'en occupe. Mais quant au Bangladesh, on va décider carrément qu'on les haït, on leur fait pied de nez et qu'on veut qu'ils meurent toutes. Mais ils vont haïr assez leurs conditions qui vont créer une guerre civile. Mais laissons-les faire la guerre. Après 2-3 générations, ils vont être libres. Mais, alors, des trucs. Non. Vous avez des problèmes? Écœurez-vous-en. Mais quand on veut toujours chercher les trucs, on étire toute notre vie, notre écœurement. On n'arrive jamais à être dans le fond de l'écœurement. On est... Oh, que ça a failli! Oh, que j'ai... Bon, puis on s'en sort jamais. Alors, c'est pourquoi je parle beaucoup plus de conférences. Au moins, on ramasse des informations, on ramasse de l'énergie. On n'a pas juste des trucs comme ça. On a une ouverture d'esprit qui nous oblige à voir qu'il y a autre chose. Bon, puis après ça, quand on descend dans la planète Terre, puis qu'on dit « j'ai un bouton sur le nez qui a mal loté », prends un bébé sablé. On ne doit pas éliminer le potentiel de s'en sortir qu'a l'humain. Son potentiel de s'en sortir, c'est l'écœurement, et il doit être suffisamment énergisé pour tolérer et supporter son écœurement du point de vue du corps physique, mais pas du point de vue émotif. Il doit s'en aller, là, écœuré, au point tel que là, il n'y a plus rien qui le dérange. Il doit rester vivant, rendu là. Et là, l'intelligence va commencer à venir lui dire quoi faire. Alors, c'est pour ça que des fois, je saute une réponse. Si j'ai bien compris, je n'ai pas de libre arbitre, mais il n'y a rien de certain dans le futur. Dans Blaisard! Bien compris. Pourquoi trouves-tu que l'amour, c'est con? Parce que c'est con. Même que c'est complètement con. Ouais, c'est ça, parce que je suis poli. Bon, j'ai fait plusieurs conférences sur l'amour où j'ai expliqué très clairement de quelle façon l'humain se faisait totalement massacrer par l'amour. La personne, elle peut se référer à certaines conférences. Il y en a une dernièrement, c'était comment se libérer, comment survivre à son émotivité et à celle des autres tout en restant intelligent. Bon, c'est une étude qu'on peut se référer. L'amour intelligent, j'ai fait plusieurs conférences sur l'amour intelligent, on peut aller voir aussi. Et on aura une réponse suffisamment ample. Et on saura pourquoi que le gros problème de l'évolution de l'humanité, le lot de sa souffrance, le lot de son évolution, c'est relié à un des facteurs qu'on appelle l'amour. Il y a trop d'amour sur la planète Terre. L'humain en bave, l'humain se bat pour, l'humain ne peut plus rien respecter parce qu'il aime. C'est très simple. Regardez ce que vous aimez. Ceux qui vous aiment énormément, j'ai déjà dit, c'est un test que vous n'avez rien qu'à faire, rasez-vous la tête, peignez-vous des dessins en bleu dessus, et puis mettez-vous les dents en noir, habillez-vous des chaînes ou comme vous voudrez, puis après ça, allez voir ceux qui vous aiment. Vous allez voir, ils ne vous aimeront plus. Ils vont vous dire, hey, non, je t'aime, mais quand même. Ou encore, non, je te dis ça parce que je t'aime, il faudrait que tu changes. Et puis, aucun respect. Vous êtes leur possession. Et au nom de l'amour, vous devrez vous exécuter. Alors, c'est facile. Si on veut savoir pourquoi je dis que l'amour, c'est un problème, ben, vérifiez qu'est-ce que ça donne l'amour, vous allez voir. Ça vaut même pas la peine d'en parler plus. Faites un test, vous allez savoir ce que c'est que ça donne. Mais faites attention, la découverte va vous ébranler. Elle ne vous branlera plus. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Être intelligent de ne pas faire ce qu'on conseille aux autres, par exemple, les médecins qui ont une mauvaise hygiène de vie. Ce n'est pas intelligent de ne pas faire ce qu'on conseille aux autres si le conseil nous va aussi. Mais par contre, c'est très intelligent de faire ce qu'on nous conseille si ça nous va, même si l'autre ne le fait pas. C'est surtout ça qu'on doit regarder. Quand le médecin me dit « je devrais maigrir », puis lui aussi, il pèse 200 livres comme moi, je ne suis pas pour dire « ben, crime, il dit maigrir c'est lui-même avant ». Mais non, il va mourir, lui. Bon, il a raison, je devrais maigrir. Bon, puis il fume en plus, il me dit « vous ne devriez pas fumer, c'est mauvais pour votre santé ». Ben, il a raison. Ben, lui, il fume, puis après, il a raison, pareil. L'humain est manipulé, l'humain, par la parole, il dit des choses. Ça ne veut pas dire que l'ego va lui permettre de le faire. Alors, si quelqu'un vous dit quelque chose puis qu'il a raison pour vous, faites-le. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Un livre vous explique pourquoi il ne faut plus jamais lire. Finissez ce livre-là. Bon. Ça, vous ne lirez plus. Bon, c'est correct. La Terre génère la vie et pourtant la Terre n'est pas un être vivant, n'est-ce pas? Oh oui, la Terre est un être vivant. Elle a un système lymphatique qu'on appelle le pétrole, qu'on est en train de briser dessus. Elle a un système nerveux, qui est le système minéral à l'intérieur du plan planétaire. Il y a même des filons, qui sont le système nerveux. La Terre, elle est totalement vivante. Maintenant, c'est tout à fait typique de l'humain de prétendre que la vie, c'est ce qui ressemble à lui. Tu préfères une manière de vivre. Quand on prend une cellule, bon, prenez une cellule, c'est constitué de molécules, comme la roche. La cellule peut devenir un embryon. Elle a une énergie vitale qui lui permet de gober les minéraux extérieurs et de les assujettir à elle. Elle peut croître. Mais la Terre, c'est vivant. Pas comme on le conçoit. Une plante, c'est vivant. Pas comme on le conçoit. L'animal, c'est vivant. Pas comme on le conçoit. Puis l'homme, il est vivant. Comment on le conçoit? Tu expliques avec plus de détails lorsque l'homme voudra se donner la mort, mais il ne pourra pas. Qu'est-ce qui va se produire à l'échelle de la planète? Il va se produire des choses comme il se produit présentement. À un moment donné, il y a des êtres humains qui vont être manipulés à appliquer dans la matière quelque chose pour faire en sorte que les humains ne veulent plus mourir, pour dynamiser les choses. Dernièrement, il y a un bonhomme qui a écrit un truc sur les versets de Satan, ou les versets sataniques. On sait que la Troisième Guerre mondiale va sans doute découler d'une altération de la paix qui va commencer au niveau d'une grande partie des peuples dirigés par l'islam. Et il faut bien que ça commence par. Il faut les écœurer un peu. On les écœure. À un moment donné, il va y avoir des êtres humains suffisamment intelligents, suffisamment nouveaux, qui vont avoir une autorité mentale dans l'astral. Et il y aura suffisamment d'humains tellement manipulés qu'ils, avec des corps physiques qui pourront supporter de plus en plus de réincarnations à la fois. Il faut premièrement savoir qu'on se réincarne chez nous 24 heures sur 24 tout au long de notre vie. Plus on vit longtemps, plus ça se réincarne, et plus nos corps physiques deviennent solides, et ils le sont par la mentalisation des peuples de cette planète, plus les corps physiques sont solides, plus ils peuvent accumuler d'énergie. Or, le monde de la mort qui a été énergisé, très grossi, après l'an 1000, allé jusqu'à l'an 1967 à peu près, il est épais maintenant, et il a de l'énergie, c'est les trésors placés dans le ciel. Il y a des humains qui vont avoir une autorité mentale dans l'astral et qui vont absorber le monde de la mort pour énergiser leur corps physique. C'est le début. Par la suite, il y aura des humains qui vont tellement vouloir appliquer des conditions du monde de la mort qu'ils vont devenir des mécanicités corporelles plaisantes pour les réincarneurs. Alors, le monde de la mort au complet va se réincarner dans l'humanité. Il y aura suffisamment de corps humains, près de 5 milliards. Quand cela va être fait, il y aura presque plus de monde de la mort. Un individu qui va mourir va immédiatement se réincarner vivant dans les autres. Le monde de la mort va totalement être absorbé par la vie et il y aura des conflits majeurs entre ceux qui absorbent le monde de la mort et qui n'ont pas de conscience intelligente. Ils vont se battre entre eux pour un paquet de phénomènes sur lesquels je vais passer, ce serait trop long. Et à un moment donné, il va arriver ceci, où il n'y aura absolument plus de monde de la mort, donc plus aucune manipulation du monde de la mort. Il va rester la manipulation de la tradition totalement vivante dans la majorité des individus de cette planète. Alors, à un moment donné, un individu va prendre un revolver, il va se tirer une balle dans la tête, flore. Et immédiatement, il va se voir par les yeux d'un autre. Ah, merde, je suis pas mort. Non. Alors, il va assassiner l'autre corps physique, il va immédiatement se réincarner dans un autre corps. Il n'y a plus de monde de la mort. Ils ne pourront pas trouver la mort. Et quand il y aura suffisamment de corps qui seront éliminés, eh bien, l'individu va se finir par augmenter de potentiel corporel jusqu'à temps qu'il va être dans un corps qui va être capable de le digérer. Lui, un corps d'homme nouveau. Alors, il n'y aura plus de manipulation astrale, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de mots, il n'y aura plus de haine. Il va y avoir une résonance sentimentique et l'être humain va être libéré des contingences de l'involution. Là va commencer une phase de réelle évolution, c'est-à-dire que l'humanité va commencer à instruire d'autres phénomènes. Des phénomènes extraterrestres qui attendent d'après l'homme depuis tellement longtemps. C'est pour ça qu'ils viennent voir si on est prêt. Est-ce que tout va être récupéré à l'accomplissement et rien ne va être laissé derrière sur la planète et dans tout l'univers? Quand on va avoir fini notre travail, l'univers n'aura jamais existé. Est-ce que la pensée crée des formes de pensée qui peuvent nuire à soi ou aux autres ou les aider? Est-ce que l'on se nourrit de l'astral de nos pensées? Oui, et la pensée crée des formes pensées. D'ailleurs, la pensée est une forme pensée qu'on va énergiser. Quand on a une forme pensée qu'on énergise, on prend de notre propre énergie pour essayer de densifier. La pensée vibre, on prend des chiffres, à 1000. L'énergie vitale vibre à 500 et la matière vibre à 50. Pour qu'une pensée devienne matière, On doit prendre une pensée qui vibre à 1000, la contenir et la densifier jusqu'à temps qu'elle arrive à 50. Vous pensez à un verre d'eau, vous le diminuez en vibration et vous allez créer un verre d'eau. Vous ne l'aurez pas créé à partir de rien, c'est à partir de la pensée. Mais faites confiance à l'astral. Quand vous allez vouloir penser un verre d'eau, vous allez sécréter que le verre est là, au lieu de créer le verre. Pourquoi ça ne marche pas? L'individu fait de la télékinésie. Bougez le verre à distance. Puis le moment le corps bouge presque. Bon, tout est sécrété endocrinalement, donc ça ne sent pas là. L'interpréteur actionnel interprète la pensée et la place dans le corps physique, ils n'ont pas dans le verre. Bon, il se réessaye encore. Il réessaye avec ses mains. Puis il commence à transpirer, les doigts s'ouvrent, ça se crispe. Il n'a rien compris. Il faut que le verre se déplace. Il ne faut pas que l'individu sécrète pour qu'il bouge. Alors, il peut mettre de la pensée. Certains individus, comme Uri Geller, ils pensent même pas et ils reçoivent les verres en plein visage. Bon, mais c'est simplement parce que l'interpréteur actionnel fait d'autres choses. Il va exprimer mal des émotions. Les verres vont casser à place. Bon, mais c'est ça. C'est parce que l'interpréteur actionnel, au lieu de sécréter, va casser un verre. L'individu qui travaille avec la pensée, il la place dans le corps physique. Alors, la pensée, ça ne sert à rien. Quand vous voulez bouger votre main, vous ne pensez pas à bouger votre main. Vous pouvez la bouger en pensant à la bouger. La pensée de la bouger n'a pas fait bouger la main. Vous pouvez avoir soif et la bouger. Vous pouvez la bouger pour arrêter un objet qu'on vous a lancé. Vous ne pensez pas à la bouger. Vous ne bougeriez même plus. Il faudrait que vous penseriez à contracter tous les muscles qui vous animent. Chance encore qu'on ne pense pas à faire battre le cœur ou à respirer. Certaines personnes qui, après avoir reçu une forte charge électrique, ont été à même de vivre certains phénomènes reliés à la parapsychologie. Est-ce qu'à partir de cette information, on peut considérer que l'électrocution à certaines doses précises peut être un moyen d'accéder à des niveaux de conscience supérieurs, ou si cela, l'électricité, est néfaste et que produit est néfaste sur ces personnes? Le rayonnement électromagnétique vient perturber le corps vital de l'homme. Perturbant le corps vital de l'homme, il perturbe les structures intra-atomiques constituant le corps matériel de l'homme, ce qui peut altérer le corps matériel de l'homme. Altérant le corps matériel de l'homme, le corps devient réceptacle pire ou amélioré. Donc, il peut recevoir de l'information. Le corps vital étant ce qui engendre le phénomène parapsychologique, s'il est suffisamment survolté pendant un laps de temps par l'électrocution, l'individu peut avoir des phénomènes parapsychologiques. Les phénomènes parapsychologiques sont des symptômes secondaires de l'évolution. Donc, en électrocutant ou en travaillant avec l'électricité sur un individu, on peut en former un agent secret convenable. On peut faire du corps physique un individu qui aura des symptômes secondaires de l'évolution, mais ne sera pas plus évolué. Ce qu'on doit travailler plutôt, c'est la conscientisation. Lorsque vous aurez besoin d'être télékinésiste, vous le serez. Lorsque vous aurez besoin de voler, vous volerez dans les airs. Mais travailler là-dessus, c'est une perte de temps et une perte d'énergie. Tu dis que si je vis quelque chose émotivement, ça n'arrivera pas, mais je t'ai déjà entendu dire que si j'ai peur que quelqu'un va me voler mon manteau pendant qu'il est accroché, ça arrivera. Explique cette contradiction. Je n'ai pas dit ça comme ça, certainement pas. Ça dépend du contexte. Est-ce que je perds mes énergies à sécréter ou est-ce qu'il n'y a un moyen de ne pas les perdre? On perd ses énergies à sécréter, alors autant sécréter pour comprendre, pour se cellulariser les choses, pas juste pour broyer. Notre-Dame de Sept-Douleurs, la mère du Nazaréen, a-t-elle eu 7 enfants? Oh! 7 douleurs, 7 enfants. Elle en a eu effectivement des enfants. 7? Plus. Combien? 9. La comète est-elle le vidangeur d'âmes du cosmos? Non. C'est une théorie intéressante, mais ce n'est pas ça. David Copperfield fait-il de la magie ou des miracles? De la magie, de temps en temps, un miracle, et s'impressionne tellement lui-même qu'il n'arrive plus à en faire présentement. Il a trop sécrété. Oui. Il a vécu ses futurs.